bénitiers, des prieurés, des synagogues, des minarets. Je n'ai pas l'ombre d'une âme à sauver. Loin des cathédrales, des mausolées, du temple d'Angkor, et puis après, je n'ai pas d'icône à adorer. Loin de tout Attis, de Taranis, par Odin ou Thor ou à raison, je n'ai pas de Valhalla à espérer. Un monde parfait, un monde parfait. Au nom d'un roi, au nom du Fils, au nom du Père.